aussitôt que tu es la dynamite, mon cœur explose quand tu es dans mes bras. Dynamite, il fait des bandes de joie et d'amour à longueur de jour. Oui, mais quand tu n'es pas là, mon cœur est trop lourd. Le ciel et les fleurs n'ont plus de couleur sans toi, et seul ton amour s'est transformé ma peine en joie. Maintenant j'ai ton sourire pour transformer mes journées. Et puis tes yeux où je peux lire mon bonheur. Et aussi j'ai tes mains pour me caresser. Et volant des heures, j'ai tout de toi car j'ai ton cœur. Tous deux avec l'amour nous irons main dans la main. Et nos deux cœurs déborderont de joie sans fin. Aussitôt que tu es la dynamite, mon cœur explose quand tu es dans mes bras. Dynamite, il fait des bonds de joie et d'amour à longueur de jour. Oui, mais quand tu n'es pas là, mon cœur est trop lourd. Le ciel et les fleurs n'ont plus de couleur sans toi, et seul ton amour a su transformer ma peine en joie. Maintenant j'ai ton sourire pour transformer mes journées. Et puis tes yeux où je peux lire mon bonheur. Et aussi j'ai tes mains pour me caresser. Et volant des heures, j'ai tout de toi car j'ai ton cœur. Alors tous deux avec l'amour nous irons main dans la main. Et nos deux cœurs déborderont de joie sans fin.